tribal hypnotique, la Love Machine est en route. Rui Da Silva, il a 33 ans, il est DJ producteur depuis de nombreuses années. Son domaine de prédilection, le remix, c'est grâce à ses nombreux remixes réalisés pour XL Recordings, Bedrock Records, BMG, Chaos Recordings, qu'il a su et pu s'imposer sur la scène progressive house européenne. Une scène monopolisée avant tout par les DJ anglais, la tâche n'était donc pas facile car le nombre de places est forcément très limité. Si bien que Rui Da Silva est le seul DJ connu et reconnu et qui arrive à s'exporter à l'étranger dans le rubrique et dans la rubrique et tout le registre musique électronique. Il faut dire que Rui Da Silva n'est pas anglais mais c'est un DJ producteur portugais. Vous écoutez le live de Rui Da Silva, Rui Da Silva dans le Cult Club à Lausanne. Rui Da Silva, la guest. Just can't do it. twisted sounds inside my brain. We'll be right back. UK Live. Enfin, le meilleur du son progressif UK en club et en même temps partout à la radio. On a la chance ce week-end de recevoir le très courtisé et très sollicité Rui Da Silva qui vient de sortir un énième remix. Celui-là a été réalisé pour Yoko Ono, la chanteuse et la femme de John Lennon, bientôt aussi de sortie. Son nouveau single, version originale, donc cette fois-ci, Rui Da Silva. Son nom, Feel the Love, et c'est très progressif UK. Il y a de fortes chances que ce single sorte donc courant cette année sur le label de Rui Da Silva qui s'appelle Kismet Recordings.

live and direct, Girls Club Lausanne. UK Live, les nouvelles tendances de la musique électronique pour cette année 2003 se retrouvent concentrées autour du son progressif UK. C'est ainsi que ce dimanche matin, on écoute les sélections du portugais Rui da Silva, dont l'atmosphère de ses mix met réellement le dancefloor en transe, et il est fort probable que vous ayez les mêmes effets de l'autre côté du poste de radio. Bien entendu, on vous promet courant 2003 d'autres rendez-vous Escape UK Live avec d'autres guests étrangers, notamment anglais. Si vous croisez régulièrement à Ibiza Rui da Silva, comme par exemple bien l'été dernier, bien cette soirée du culte ne sera pas sans vous rappeler quelques longues nuits au Space ou au club Le Pacha. Rui da Silva, the guest. walking along with me. If you're very young. You got here. frankly, I can't stand the ringing, and I don't want to take your message. You know what I'm talking about now? So at the beep, just start talking as if someone was paying attention. Thanks. Couleur 3, première édition lausannoise d'Escape UK Live est sur le point de s'achever. Avant l'atterrissage, merci à Wida Silva et Sonic T. Vous pourrez dès lundi retrouver les photos de cette soirée sur le site culclub.ch. Les archives audio de cet event seront prochainement sur le site trans-escape.ch. Puis retour du son Escape UK lundi sur Couleur 3. Ce sera des 22h sur Couleur 3 Suisse uniquement avec un mix de Sonic T. Vous pouvez nous laisser vos premières impressions via email sur le site couleur3.com, rubrique émission index France Escape. Ainsi on aura un feedback direct de vos impressions sur cette première soirée Escape UK Live. Bon week-end à vous tous, à suivre d'autres sélections électro, celle de Madame Rave. On se retrouve lundi, à bientôt. Embarquement pour une nouvelle samedi 8 mars, Trans Escape Live. Corrisse et Blackmail invitent au casino de la Rotonde Neuchâtel le duo Hennes & Cole. Hennes & Cole. DJ producteur sur le label Tracid Tracks. Samedi 8 mars, Corrisse, Blackmail. Blackmail Hennes & Cole. Casino de la Rotonde Neuchâtel. Neuchâtel. Des invitations du lundi au jeudi en écoutant la radio, 22h, 23h. More information on couleur3.com.